Élisabeth et Marie Stuart par Paul de Saint-Victor. Chapitre 1er. Élisabeth fait une très fière figure dans l'histoire. Jamais reine plus mâle ne régna sur des hommes. L'Angleterre lui doit en partie son avènement parmi les nations. Mais sa grandeur est toute politique, et s'il faut admirer la reine, il est permis de haïr la femme. Son visage, son caractère, ses mœurs, ses amours, tout en elle est antipathique. On conserve, à la tour de Londres, son effigie de cire montée sur une mule. Cette figure, aigre et hargneuse, au nez crochu, aux lèvres rentrantes, avec ses petits yeux durs et pâles, que surmonte une montagne de gros cheveux roux, produit une impression répulsive. Sa taille plate plonge dans un vertugadin chargé de rosettes et de pasquilles. Le mauvais goût de la vieille fille perce à travers la magnificence de la reine. Rien de plus laid et de plus baroque. Les Indiens se figuraient la Compagnie des Indes comme une vieille dame très riche et très avare, qui les gouvernait de Londres par ses soldats et ses employés. Devant ce mannequin grimaçant, mêlé de clinquant oriental et de raideur britannique, on se souvient de la vieille dame des Indiens, et on croit l'avoir parée du costume d'une des pagodes du pays. Tous ces portraits du temps ont le même aspect de caricature fabuleuse. La tête prise dans une collerette gigantesque, emboîtée dans un corsage raide de perles et de pierreries, avec son air dur et sa moue méchante, elle ressemble à ces monstrueuses idoles indiennes qui ne sont que griffes et colliers. Ses peintures, qu'on pourrait croire satiriques, sont d'une fidélité officielle. On sait qu'en 1563, Élisabeth défendit aux artistes médiocres de faire son portrait, une pareille occupation ne devant appartenir qu'aux peintres les plus distingués. Dans une autre proclamation, elle annonçait à son peuple qu'aucun des portraits qu'on avait faits de sa personne ne rendant justice à l'original, elle avait résolu, à la demande de son conseil, de se procurer son exacte ressemblance du pinceau d'un artiste habile, qu'il serait bientôt exposé au public, pour la satisfaction de ses aînés sujets, et que pour cette raison elle défendait expressément, à quelque individu que ce fût, de peindre ou de graver aucun nouveau portrait de sa personne sans sa permission, ou de montrer et d'exposer en public aucun des anciens portraits, jusqu'à ce qu'ils eussent été refaits, d'après la copie que l'autorité allait faire paraître. Si l'art n'a jamais pu ennoblir les traits d'Élisabeth, la poésie et le théâtre ne sauraient non plus idéaliser sa personne. Elle paraît d'une grandeur tragique sur la vaste scène de l'histoire, entre le naufrage de l'Armada et l'échafaud de Marie Stuart. Rentrée dans les coulisses de Windsor et de Westminster, ce n'est plus qu'une virago à cariâtre, la bouche pleine de jurons, la main pleine de soufflets, qui tyrannise brutalement sa cour et donne des coups de poing à ses filles d'honneur, de telle façon, dit un chroniqueur, qu'on entendait souvent ses belles filles crier et se lamenter d'une piteuse manière. Les hommes d'État n'étaient même pas à l'abri de ces algarades. Le grand chancelier Burleigh pleurait souvent, tant il était malmené et rudoyé par la reine. Un jour, elle cracha sur l'habit de Sir Matthew. Une autre fois, elle prit Hatton au collet. Le comte d'Essex, qu'elle morigénait selon sa coutume, lui ayant tourné le dos, elle l'envoya au diable et lui donna un violent soufflet. Ces trivialités de mégère s'alliaient en elle à un orgueil de sultane. Une étiquette à plat ventre régissait sa cour. Les plus grands seigneurs étaient forcés de se plier devant elle à des génuflexions orientales. Tous ceux auxquels elle adressait la parole, ou sur qui elle laissait tomber un regard, devaient à l'instant même se précipiter à genoux. Les gentilshommes qui la servaient pendant ses repas n'approchaient ou ne s'éloignaient de la table qu'après s'être agenouillés par trois fois. Sa coquetterie frisait la folie. Après sa mort, on trouva 3000 habillements dans sa garde-robe. Une basse jalousie de femme envenima sa haine contre Marie Stuart. Neville, l'envoyé de la reine d'Écosse à Londres, rapporte à ce sujet dans ses mémoires une curieuse entrevue qu'il eut avec elle. Elle me demanda quelle était la couleur qu'on jugeait la plus belle dans les cheveux, et laquelle, de ma reine ou d'elle, avait les plus beaux cheveux. Je lui répondis que ses cheveux et ceux de ma souveraine étaient également beaux. Cette réponse ne l'ayant pas satisfaite, je lui dis qu'elle était la plus belle en Angleterre, et que ma souveraine était la plus belle en Écosse. Et comme elle insistait encore pour une réponse catégorique, j'ajoutai qu'elle avait la peau plus blanche, mais que ma souveraine était très belle. L'âge ne fit qu'aggraver cette vanité ridicule. À 69 ans, elle dansait encore la courante et s'habillait en bergère. Jusqu'à la fin, les courtisans qui voulaient lui plaire devaient paraître éblouis par le rayonnement de son vieux visage. L'encens qu'on lui faisait respirer aurait asphyxié une reine asiatique. Ce qu'il y a de plus laid dans sa vie privée, ce sont encore ses amours. L'hypocrisie dont elle les drapait leur donne quelque chose de honteux et de clandestin. Aucun éclat, des indices, de la fumée, pas de feu. En approchant de son alcôve, on sent je ne sais quelle odeur de balai rôti. Ce n'était point la fière ostentation d'une tsarine affichant ses favoris comme des dignitaires. C'était le libertinage obscur d'une fausse prude qui pêche à huis clos et va de sa ruelle à son oratoire. Toute sa vie, elle singea la Vierge et porta, avec une emphase risible, le lys fané de son célibat. Cette vestale de l'Occident, comme l'appelaient ses poètes, aurait, dans la Rome antique, mérité 20 fois d'être enterrée vive. De Dudley au géant irlandais qui réchauffa sa décrépitude, on ne compte plus ses caprices. Dès 1565, Marie Stuart, dans une lettre spirituellement perfide, au bas de laquelle Élisabeth dut écrire le brouillon de son arrêt de mort, dénonçait, sous prétexte de lui rapporter les calomnies qui couraient sur elle, ses rendez-vous nocturnes, ses baisers donnés et reçus auprès des portes, ses privautés déshonnêtes. Elle la prévenait que son éloignement pour le mariage passait pour provenir de ce que vous ne voulez perdre liberté et de vous faire faire l'amour et avoir votre plaisir toujours avec nouveaux amoureux. Elle l'accuse, en faisant parler la rumeur publique, de ne pas se contenter de 2 ou 3, de se donner à des étrangers, de leur livrer les secrets d'État, de courir à Fort Saton et de l'aller trouver la nuit. La tragédie a vainement essayé de passionner ses amours caduques avec le comte d'Essex. Leur dénouement sanglant ne peut même pas les faire accepter. Une reine septuagénaire, éprise et jalouse d'un homme de 30 ans, se précipite du haut de son trône dans le ridicule. La couronne tombe, les rides restent. Ce n'est plus qu'une duègne en ardeur, bonne à fourrer dans une comédie. Chapitre 2e. Sans Marie Stuart, Élisabeth n'est pas un personnage dramatique. Il lui faut cette reine à haïr, à martyriser, à tuer. Ce n'est qu'à son contact qu'elle reçoit et qu'elle dégage la passion. Opposées l'une à l'autre, leur lutte est pathétique, parce qu'elle est naturelle et parce qu'elle met aux prises les instincts les plus hostiles du cœur de la femme. D'un côté, une prude, hypocrite et envieuse, incarnant dans sa sèche personne toutes les qualités négatives du protestantisme, une virago d'État sachant prévoir et sachant attendre, armée de toutes les forces de la volonté et du caractère. De l'autre, une enfant de la Renaissance catholique, une jeune reine, romanesque et aventureuse, esclave de ses passions, jouet de ses caprices, légère et violente, impétueuse et faible, mettant à se perdre un étourdissement qui tient du vertige. Je sais bien que sa mémoire, qui pendant 2 siècles n'avait eu que des amants, a trouvé récemment des juges. Chaque époque, avant de mourir, enfouit ou brûle une partie de ses secrets. Mais un jour arrive où les crimes cachés se déterrent, où les responsabilités se démasquent, où le sang essuyé reparaît aux mains qui l'ont répandu, où les papiers d'État, ces muets du sérail de la politique, brisent les sceaux qui les bâillonnaient, parlent, dénoncent, prouvent et accusent. Tôt ou tard, l'ombre coupable, évoquée par la science, vient, comme Lady Macbeth, laver ses mains sanglantes devant la postérité, en murmurant les vers du poète. Qui aurait cru que cet homme avait en lui tant de sang? Ne pourrais-je donc jamais nettoyer ses mains? Toujours l'odeur du sang. Quelque petite que soit cette main, tous les parfums de l'Arabie ne sauraient la désinfecter. Toutes blanches qu'étaient les mains de Marie Stuart, et ses beaux doigts, si bien façonnés qui, dit Brantôme, ne devaient rien à ceux de l'Aurore, ils ne pourront jamais se laver du sang de Darnley, cet enfant sensuel et débile, qu'elle épousa par caprice et qu'elle tua par satiété dès qu'elle fut dégoûtée de son fade amour. Son mariage avec Bothwell, l'assassin de Darnley, égale, en horreur tragique, celui de la mère d'Hamlet avec Claudius. Il y a encore une tête coupée qui la regarde, dans l'histoire, avec des yeux de martyr. Celle de ce jeune chastelard, qui expia de sa vie le crime de l'avoir aimé. Par 2 fois, on le trouva caché sous le lit de la reine. La première fois, Marie lui fit grâce, mais à la seconde, elle livra ce chérubino d'amore au bris d'oison puritain d'Édimbourg, ravis de pouvoir trancher avec leur lourde hache biblique cette tête élégante. « Adieu, dit-il en se tournant vers Holyrood, du haut de son échafaud, adieu, la plus belle princesse du monde qui me tue et que je ne puis cesser d'aimer. » Quelle figure admirablement faite pour charmer et pour attendrir que Marie Stuart, la plus séduisante des grandes dames du martyr et de l'échafaud. C'est la tête de Méduse de la sympathie que cette tête coupée, si belle et si poétique, dans sa fraise de points de Brabant. Elle trouble la raison, elle fascine la conscience, elle arrache des larmes de pitié, d'exaltation, de tendresse. L'histoire a beau l'accuser, l'incriminer, la convaincre, l'imagination se bouche les oreilles et la laisse crier. Elle ne se souvient que de la beauté de Marie, de ses malheurs et de son supplice. Elle tombe et se laisse tomber dans le sépulcre tragique que l'enchanteresse lui tend comme un piège du fond du passé. Quelle vie ne rachèterait pas une telle mort? Frinet, accusé de sacrilège devant l'aéropage d'Athènes, nu pour se faire absoudre, qu'à déchirer sa robe et à découvrir au juge son sein nu, ce sein parfait sur lequel les sculpteurs grecs venaient prendre l'empreinte des coupes de l'autel. De même, Marie Stuart n'a, pour gagner sa cause, qu'à nous montrer du haut de l'échafaud de Fotheringay ses cheveux blanchis avant l'âge, ses beaux cheveux, dit Brantôme, qu'elle ne craignait pas de faire voir, ni se les tordre et friser, comme quand elle les avait si blonds et cendrés. Je viens de voir le crâne de Raphaël à l'Académie de la Sapienza, écrivait le président de Brosse, et je ne sais pourquoi j'ai trouvé cette tête de mort plus jolie que les autres. La postérité, elle aussi, a ses têtes de mort de prédilection. Elle les serre contre son cœur avec le geste passionné de la Madeleine du Corrège. N'essayez pas de lui arracher ses pathétiques amulettes, recueillies au pied des gibets et des échafauds. Elle les défendra, contre vous, avec la colère de l'amour. Oh, que le sang va bien à la femme, à la jeunesse, aux êtres déchus, entraînés, fragiles. Quel parfum lustral, quelle pure écarlate. Rappelez-vous Dante, rencontrant dans son purgatoire l'ombre balafrée du jeune Manfred. Biondera el bello, e di gentili aspetto, ma l'un di cigli un colpa avea diviso. Il était blond et beau et de gracieux aspect, mais un coup avait fendu en deux l'un de ses sourcils. Et à la vue de cette tête blonde et meurtrie, le poète oublie ce qu'il appelle ailleurs ses horribles crimes, et il jette sur elle les lauriers, les bénédictions, les larmes. Le roman, la légende, l'histoire elle-même ont fait comme Dante. Ils ont oublié le sacrifice de Chastelard, le meurtre de Darnley, les noces sanglantes de Bothwell. Toutes les chutes et tous les forfaits de Marie, pour ne se rappeler que son héroïsme, ses captivités, ses épreuves, ses 18 ans de langueur et de fièvre, traînés à travers les stations du supplice jusqu'à l'échafaud sublime de Fotheringay. Et puis, cette chère criminelle, pour parler la langue de Corneille, a eu la rare fortune d'avoir pour adversaire des hommes, une reine, un pays frappé de disgrâce et d'antipathie. Qui ne plaindrait la fille des Guises, l'enfant de la Renaissance, la jeune reine de France, transportée, presque subitement, de la cour idolâtre de Fontainebleau, dans la sombre et froide Écosse calviniste? C'est la galère de Cléopâtre jetée sur les côtes de la Tauride. Là régnait ce dieu abstrait et iconoclaste de Calvin, qu'il ne veut être adoré que sous la forme du triangle. Là sévissait, dans toute sa rigueur, ce culte né dans la ville des horlogers et qui n'était lui-même alors qu'une horloge théologique au rouage sec et criard, qui avait le diable pour jacquemart et la damnation pour mécanisme. Là nasillait des anathèmes apocalyptiques ce pédant Knox qui se donnait des airs d'Isaïe en se drapant dans son manteau rogné de presbytérien. Figurez-vous Marie régentée par la férule de ce sinistre cafard. Pauvre Rosine couronnée, tombée sous la tutelle d'un Bartholo puritain. Il la tense, il la rudoie, il l'invective, il lui jette à tout propos, à la tête, sa grosse Bible ensanglantée sur tranche. Il lui reproche ses danses, ses parures, ses médianoches, ses joueurs de lutte, ses ballades à la française, ses sonnets à l'italienne, toutes les voluptés et les élégances au milieu desquelles avait fleuri sa jeunesse. Il arrache, de ses vilaines mains tachées d'encre, les dentelles et les joyaux de ses femmes. « Ah, les belles dames !» leur criait-il, de sa voix enrouée par la chair. « Voilà une vie charmante, si seulement elle pouvait durer, et si nous allions au ciel avec du velours et des perles. Mais cette grande coquine, la mort, est là, qui vous saisira, bon gré, mal gré. Et cette petite âme faible et tremblante, comment pourrait-elle emporter avec elle perles et or, garniture et dentelle, broderie et fermoir? Ainsi hurlait cette énergumène, oubliant que Luther lui-même avait écrit sur les marges de la Bible ce joyau distique « Celui qui n'aime ni les femmes, ni le vin, ni le champ, est un sot et le sera sa vie durant. » Wer nicht liebt Wein, Weiber und Gesang, der bleibt ein Narr sein Leben lang. Et l'écosse entière avait l'âme, la bile, la jaunisse amère du vieux Knox. Elle haïssait autant que lui les bals, les concerts, les viols d'amour, les tableaux, les canzones et les mascarades. Marie, en essayant d'acclimater les arts et les plaisirs dans cette Judée du Nord, ne réussit qu'à effaroucher son peuple d'ascètes cuirassés. Autant aurait valu offrir aux peuplades souterraines qui vivent près du pôle les oranges et les sorbets des pays chauds. Sa beauté voluptueuse scandalisait les chefs de clans sauvages de la Réforme. « Ce n'est pas une chrétienne, » grommelaient-ils sous leur casque, « c'est Diane, c'est quelque divinité païenne. » Ils exécraient en elle l'armide catholique, la magicienne du papisme. Ils accablaient de ces durs versets dont l'Ancien Testament lapide les familles de l'âtre, cette tête charmante, inclinée sur les pieds des crucifix d'or ou devant les madones du primatis. Les chiens qui léchèrent le sang de Jézabel aboyaient contre elle, du même aboi, dans la bouche des prédicants ameutés. Ainsi repoussée par cette terre hostile, étrangère à son Dieu, excommuniée de ses temples, antipathique à ses mœurs et à ses croyances, comment s'étonner que cette jeune femme se soit entêtée dans sa foi et dans sa nature, qu'au fanatisme de la bigoterie et de la tristesse elle ait opposé le brillant fanatisme du plaisir, et que, d'ennui du spleen mystique qui désolait son royaume, elle se soit jetée pour s'étourdir dans de tragiques imbroglios d'amour. Tous ceux qui sentent, tous ceux qui rêvent, tous ceux que l'élégance charme, que la grâce captive, que la poésie enivre, et qui reconnaissent aux êtres fragiles le droit de tomber et de se briser, se rangeront, d'âge en âge, sous l'écharpe de tournoi qui lui servit de drapeau. Sa cause est celle de l'enthousiasme, de la passion, de l'instinct. Le parti qu'il a combattu, livré et tué, est celui de l'hypocondrie, du calcul, du pharisianisme. Qui aime la suive. Il la suit, il la suivra. Armée idéale qui combat pour elle, en versant des larmes, et lui gagne ainsi de posthumes victoires. Eh, qui pourrait hésiter entre Marie et Élisabeth? Qui ne préférait la fleur froissée dont la flétrissure ravive le parfum à la virginité guindée et desséchée sur sa tige? La tendre pécheresse, à la prude raide et dure, juchée sur son vertu gadin de pudeur. Et puis, pour qui sait percer et démêler le fond des choses, la lutte des deux reines se réduit à la rivalité de deux femmes, et la victoire d'Élisabeth n'est plus que la vengeance d'un laideron, torturant et tuant une belle jeune femme tombée entre ses mains sèches. Cette momie anglicane, allant au prêche sur sa mule stérile, vous en dit plus sur le martyre de Marie Stuart que toutes les révélations de l'histoire. Vous comprenez jusqu'où peut aller la haine de la laideur contre la beauté, de la disgrâce contre la grâce, d'une vie maussade contre une destinée romanesque. Vous lisez, sur cette face bilieuse, l'aigre ressentiment d'un envieux et rancunier célibat. « Ah, tu es jeune. Ah, tu es belle. Ah, les poètes papistes te comparent aux divinités de l'Olympe. Ah, tu as des amants qui sont fiers de mourir pour toi. » Et qui, sur l'échafaud même où tu les envoies, embrasse ton portrait et te proclame la plus aimable princesse du monde. Eh bien, je vais blanchir ces cheveux blonds qui se moquent de mes cheveux roux. Je vais couper cette tête charmante dont le sourire ensorcelle. » Et la Vestale, assise sur le trône de l'Occident, comme l'appelle Shakespeare, fit signe aux traîtres, aux geôliers, aux bourreaux. Ainsi, la Vestale païenne, séparée du monde florissant qu'enchantait Vénus, par l'horrible fosse où l'on enterrait vivante la Vierge infidèle à ses vœux de fer, devait baisser le pouce, avec une joie féroce, quand une jeune captive était condamnée au cirque. Elle avait aimé peut-être, elle avait connu les joies et les délices de la vie, et peut-être regrettait-elle son lit d'ivoire, comme la cymodocée des martyrs. Ainsi s'achève Élisabeth et Marie Stuart par Paul de Saint-Victor.